Maintenant, je comprends le français. Avant, je ne comprenais pas le français. Maintenant, je connais Paris. Avant, je ne connaissais pas Paris. Maintenant, je sais utiliser le métro. Avant, je ne savais pas utiliser le métro. Maintenant, je bois du vin rouge. Avant, je ne buvais pas de vin rouge. Maintenant, j'ai des amis français. Avant, je n'avais pas d'amis français.